De retour à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le mot Néandertal évoque le caractère primitif de l'homme. On réfère parfois ce qualificatif pour parler d'une chose attardée ou dépassée. Pourtant, l'homme de Néandertal était loin d'être idiot et nous avons tous même un peu de ces gènes en nous. Christiane Dupont va nous faire part des nouvelles découvertes à propos de cet homme disparu. Alors, Christiane, si on commençait par rétablir un peu les faits, alors qui est l'homme de Néandertal? Un cousin de l'Homo sapiens? Bien, c'est difficile à définir, en fait. Ça fait longtemps que les chercheurs se posent la question parce que c'est quand même, tout ce qui ressemble aux humains ou ce qui se rapproche, c'est quand même très fascinant, je pense. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ça. Puis il y a des nouvelles études qui en parlent. Donc, c'est un représentant fossile du genre Homo. Comme nous, on est Homo sapiens sapiens. Eh bien, les Néandertalistes, c'est Homo néandertalis, je crois. C'est un homme qui a vécu en Europe et en Asie occidentale. Il y a entre environ, c'est pas évident, là, je vais vous expliquer un peu plus tard, environ 250 000 ans et 31 000 ans, plus ou moins. C'est considéré comme une espèce distincte de l'homme et non pas comme avant, on croyait c'était un ancêtre de l'homme. Donc, si on voit une ligne linéaire, oui, il y a l'homme de Néandertal puis il y a l'humain en haut. Ça marche pas comme ça parce que ces deux espèces se sont croisées. Donc, un n'est pas l'ancêtre de l'autre, mais se sont plutôt mélangées. C'est ce qui est très intéressant. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Oui, exactement. On voit ça comme c'est l'homme préhistorique, genre le... Puis, tu sais, on voit... Peut-être que vous avez déjà vu des reconstitutions. Vous tapez ça sur Internet. C'est fascinant de voir ce visage très humain, mais avec une ossature plus forte. Mm-hmm. Ils sont plus trapus un peu. Et mais c'est très humain à regarder. Et on ne descend pas que de lui, c'est ça? Non, c'est ça. C'est un mélange. C'est un mélange. Très, très, très ancestralement, c'est peut-être plus semblable, mais ça fait très longtemps qu'on est séparés. Donc, c'est ça, c'est considéré comme un homme qui est frustre, qui peut être laid, attardé. Hein, on dit un homme de Néandertal, des fois dans le langage, là, on peut entendre ça. Mais pourtant, il y avait un langage, il y avait une richesse culturelle, il y a un cerveau même un peu plus volumineux que l'homme. Peut-être pas avec autant de sillons, là, mais quand même plus volumineux. Les premiers fossiles de l'homme de Néandertal ont été trouvés dans la vallée de Néandertal. D'où son nom, j'imagine. En Allemagne. Et puis, les hommes de Néandertal se retrouvent... Ça fait très longtemps qu'ils habitaient en Europe, plus que l'Homo sapiens, bien avant d'ailleurs. Et puis au Moyen-Orient, en Asie centrale, jusqu'en Sibérie. Et les fossiles, des ancêtres de Néandertal, là, ont été retrouvés même il y a 1 million d'années en Géorgie, en Europe. Mais est-ce que les hommes modernes ont côtoyé le Néandertal? Bien oui, comme je disais, ils se sont côtoyés, donc un ne découle pas de l'autre. Auparavant, on croyait que c'était pas le cas, mais oui, vraiment, il y a des nouvelles études qui prouvent le contraire, ce que je trouve très intéressant. Il y a une équipe internationale de chercheurs du département de pédiatrie de l'Université de Montréal, je ne sais pas trop pourquoi c'est le département de pédiatrie, et du centre de recherche de Sainte-Justine, qui indique qu'il y aurait eu, avec des études génétiques, qu'il y aurait eu vraiment un croisement entre les deux populations d'Homo sapiens et d'homme de Néandertal. Parce que l'homme de Néandertal vient de l'Afrique, mais aurait quitté l'Afrique il y a de cela bien longtemps, entre 400 000 ans et 800 000 ans. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'ils ont décidé de migrer et occupent l'Europe et la Russie jusqu'à il y a 30 000 ans. Donc, ça fait un bon bout de temps qu'ils sont en Europe, bien avant l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, qui vient également de l'Afrique, a quitté l'Afrique pour migrer il y a entre 80 000 et 50 000 ans, beaucoup plus récemment. Donc, c'est l'humain moderne qui est arrivé beaucoup plus tard en Europe. Et qui, là, il se serait croisé au niveau du Moyen-Orient, plus ou moins. C'est là qu'ils se seraient rencontrés. Et puis, voilà, ça serait ça, le chemin migratoire. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour prouver ça, en fait? Bien, l'équipe du docteur Labouda, qui est à l'Université de Montréal, ont identifié, ça faisait longtemps, ils ont identifié sur le chromosome X, que l'on porte tous, une partie d'ADN différente des autres, puis ils n'ont jamais trop compris pourquoi. C'est comme un petit bout qui se distingue, là, de par sa constitution. Et puis, en 2010, le génome du Néandertal a été séquencé au complet. Grosse nouvelle. Et donc, ce laboratoire-là a comparé les 6 000... ont comparé les gènes de 6 000 chromosomes humains, Homo sapiens, devenant partout du monde, Australie, Europe, Afrique, Amérique du Sud, des gens de partout, là, avec des backgrounds génétiques un peu différents. Et ils ont comparé ça avec le Néandertal. Et résultat, la séquence, cette petite séquence du chromosome X vient du Néandertal et était présente chez les hommes de tous les continents, sauf en Afrique subsaharienne. Donc, tous les gens, génétiquement, là, venant pas de l'Afrique subsaharienne, ont un peu de Néandertal en eux. OK. Et est-ce que ça prouve qu'il y a eu hybridation, ça? Bien, oui. C'est vraiment... C'est que les deux espèces ne se sont pas juste rencontrés puis battus, ils se sont accouplés aussi. Ils sont croisés. Ils sont croisés littéralement et on traîne encore des petites traces de cela dans nos gènes. Et puis selon les chercheurs, c'est pas nécessairement mauvais parce que des nouveaux gènes, ça souvent ça ajoute une bonne variabilité et ça peut renforcer l'espèce. Donc ça explique pas juste bien, mais c'est peut-être bon pour l'homme. Ah. D'avoir eu un peu Néandertal, peut-être une certaine robustesse, je sais pas exact, je vais pas m'avancer rien, mais ça peut être intéressant. Puis, ça porte à penser, bon, ben là, les premiers, ils s'hybrident ensemble, ça donne un mélange Néandertal-homme, puis après ça, ben, il peut y avoir toute une gradation d'hybridation possible, là, selon ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, ils ont trouvé un homme Odzi, ils l'ont baptisé comme ça, de 3300 ans, ça fait pas si longtemps de ça, là, un peu avant Jésus. Qui lui présentait 5,5% de gènes de Néandertal, alors que l'humain en présente 2,5-3%. Oh. Donc, il y a 3000 ans, il y avait des hommes qui avaient plus de Néandertal que maintenant. Est-ce qu'il en existe encore? On ne sait pas du tout, mais bon, c'est intéressant. Et puis, dernier petit fait cocasse, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on imagine beaucoup les Néandertaliens comme... comme on peut peut-être voir quand on était jeune dans les dessins animés, là, sont foncés, puis ils ont un peu homme des cavernes, là. C'est un peu le typique. Le stéréotype qu'on leur donne. Là. Oui, c'est ça. Et puis, mais il y avait des roues aussi. Ah oui. Ouais, il y avait des roues. Comme chez les humains, c'est très peu fréquent d'avoir des roues chez les humains, mais en Italie et en Espagne. En plus, dans ces. Ouais, dans ces coins-là qui sont. Foncé, mais faut pas faire de lien parce que les foncés, c'est les humains. Hein? C'est là, on parle des Néandertals. Ouais. En tout cas, bref, on peut pas mélanger. Mais il y a la gène de la rousseur chez l'humain, c'est le MC1R. Bon, un beau nom. Et puis, il y a l'équivalent chez l'homme de Néandertal. Et puis, ça donnerait une peau plus claire. Et les cheveux roux. Donc, ils ont trouvé des fossiles. Je sais pas comment ils font exactement pour... voir ces gènes-là sur des fossiles, là, ça m'échappe un peu. Mais bref, il y aurait des roues même chez les Néandertals. Donc, ça fait très longtemps que ça existe. Là, comme. Mais des Néandertals purs, en fait, on n'existe plus là, maintenant. Non, ça fait... c'est ça, ils se sont... Ils se sont croisés. Et puis, les raisons de la disparition de Néandertal ne sont pas complètement connues. Okay. Mais ça serait probablement de la compétition face à l'homme. Et finalement... j'ai cherché beaucoup, en fait, je voulais ajouter un point là-dessus, mais je crois que c'est pas encore complètement élucidé, mais c'est beaucoup de la compétition, parce que l'homme est probablement arrivé avec peut-être d'autres outils, peut-être question d'immunité aussi, je sais pas comment ça s'est passé, puis l'humain, je crois, est pas réputé nécessairement, par son intelligence, peut modifier beaucoup son environnement, on le voit maintenant, peut être capable de décimer beaucoup d'espèces sans trop s'en faire. Donc peut-être qu'il y a aussi une histoire d'intelligence, je sais pas quoi. Supérieure, peut-être. Ouais. Parce que même, je fais un peu j'extrapole, mais même entre humains, il y a beaucoup de ségrégation dans certains peuples. On est capable de rabaisser des gens qui sont exactement la même race que nous. Donc j'imagine qu'une race un peu plus basse, peut-être que c'était très, je sais pas, peut-être qu'il était juste sous. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être un génocide aussi? C'est très possible. J'ai lu des choses là-dessus sur de la compétition, mais il n'y a rien qui a vraiment ressorti. Je crois que ça reste encore mystérieux, mais la disparition de l'homme de Néandertal, c'est forcément l'homme qui est la cause. Parce que l'homme de Néandertal savait chasser. Pendant longtemps, on pensait qu'il était juste cueilleur et puis tout ça. Mais c'est pas vrai. Ils ont trouvé plein de résidus de mammouths, de rhinocéros laineux, d'ours. Il était vraiment bien. Il se débrouillait très bien. Probablement que c'est l'homme qui est venu chambarder tout ça, là. Ben écoute, Christiane, grâce à ces recherches, on en connaît encore un petit peu plus sur nos origines, puis c'est très mystérieux là. Bref, il y aurait sûrement plein d'autres chroniques à faire sur l'origine de l'homme. Ça, fascinant. Et puis juste, ça vaut la peine d'aller voir de quoi a l'air un homme de Néandertal. Et juste imaginer un instant, qu'est-ce qu'on ferait si on était face à un homme de Néandertal qui nous ressemble beaucoup, mais qui n'est pas exactement la même espèce. Ça doit être très intéressant parce que ça n'existe plus sur Terre un animal supérieur, qui nous ressemble à ce point-là. Tout à fait. C'est vraiment le plus rapproché. Alors, merci beaucoup, Christiane, pour ces précisions. Merci, François.